Camélia Pardo-Bazan, La chevelure de l'or. La mère et la fille traînaient leur vie misérable dans un humide galetas où l'on descendait par les degrés à demi éboulés d'un escalier creusé dans la terre même. La lumière y entrait à grand-peine, pâle et comme à regret, à travers un soupirail grillé, et l'unique pièce servait à la fois de cuisine, salle à manger et chambre à coucher. Laure passait les journées enfermée en ce lieu, travaillant avec ardeur, toujours penchée sur son métier à dentelle, sans jamais sortir ni voir la lumière du soleil. Elle prenait soin aussi de sa mère infirme et lui prodiguait des paroles de consolation chaque fois qu'elle l'entendait se plaindre de l'adverse fortune. Se voir réduites à une telle extrémité, elles, deux nobles dames, dont la généalogie était si ancienne, autrefois propriétaires de domaines, de prés et de bijoux à ne pas les compter, se coucher à la lueur d'une chandelle, elle qu'avait éclairé des pages portant des bougies de cire dans des candélabres d'argent. C'est ce que ne pouvait souffrir la mère aujourd'hui besogneuse, et quand sa fille, avec le ton tranquille de la résignation, lui conseillait de se soumettre à la volonté divine, ses lèvres exhalaient des murmures d'impatience et des malédictions irritées. Comme il n'y a point de mal qui ne se puisse accroître, survint un hiver des plus rigoureux, et Laure se vit privée du travail qui lui permettait de gagner leur vie. À la pauvreté décente succéda la misère noire, à la maigre chair, la faim aux joues creuses, aux longues dents jaunes. Alors, avec une cruelle ironie, la mère se mit à railler sa fille, qui pensait, pauvre folle, assurer leur pain par son travail et ses veilles constantes. Un pain précieux qu'elle gagnait ainsi à se crever les yeux et à se rendre aveugle. Il ne lui resterait plus qu'à sortir guidée par un chien pour demander l'aumône. Ah, si elle n'était pas si sotte et si mauvaise fille, avec cette taille, ce visage, cette chevelure d'or cendré qui lui tombait jusqu'aux pieds, elle ne laisserait pas sa mère s'affaiblir et se consumer sans nourriture. En entendant ces insinuations, Laure fut agitée d'un tremblement de honte et voulut répondre avec colère. Mais elle se souvint que depuis de longues heures sa mère n'avait rien mangé, et, cachant son visage dans ses mains, elle éclata en sanglots. Soudain, comme quelqu'un qui adopte une subite et ferme résolution, elle se leva, s'enveloppa d'un large capuchon de laine sombre et gagna la rue. Sans hésiter, elle dirigea ses pas vers une misérable boutique qu'elle avait entrevue dans ses rares sorties et où elle croyait pouvoir vendre le seul trésor dont elle fût secrètement fière. La tenancière de cette baraque était la vieille Brasilda, une rusée commère qui avait pour tenter les cœurs des artifices de sorcière. Et Laure, se voilant le visage, entra dans l'équivoque maison. Comme Brasilda lui demandait malicieusement ce que pouvait bien apporter à vendre cette belle fille, si soucieuse de se dissimuler, Laure, sans cesser de cacher son visage dans les plis de sa pèlerine, tourna le dos à la vieille et lui montra, étendue sur ses épaules, la splendide chevelure blonde, plus brillante et plus douce que la soie, qui, d'un magnifique élan, avait roulé le long de sa jupe et balayé le sol. « Voici ce que je vous vends pour 10 écus, s'écria-t-elle. Coupez-les à l'instant même. » Cette proposition convint à la vieille, car il y avait dans cette abondante toison de quoi faire nombre de perruques et de postiches. Elle saisit donc une paire de ciseaux et tondit l'épaisse chevelure. Puis, remarquant que la jeune fille continuait à cacher son visage, et croyant s'apercevoir qu'elle pleurait tout bas, elle lui glissa à l'oreille. « Si tu es jeune et aussi belle que le fait supposer ta chevelure, tu trouveras ici non pas 10, mais 100, mais 1000 écus, aussitôt que tu le voudras. » Laure recueillit l'argent et s'éloigna sans répondre une parole. Sur la porte, elle se croisa avec un cavalier de bonne taille et de port élégant qui ne fit point attention à elle. Elle, au contraire, le regarda à la dérobée et ne put s'empêcher de le trouver séduisant. Le cavalier qui entrait chez la sorcière était Don Luis de Meneses, le jeune homme le plus riche, le plus déréglé, le plus follement ami du plaisir qu'il y eut dans toute la ville. Ce n'était point pour passer le temps qu'il rendait visite à la vieille Brasilda. Il accourait chez elle comme le chasseur court au lieu où les rabatteurs traquent le gibier pour le livrer à ses coups. Après un moment d'entretien, Don Luis aperçut la royale chevelure blonde que la vieille avait étendue sur un linge blanc et dans laquelle la lumière de la lampe, toujours allumée en l'obscure boutique, se reflétait comme en un lac d'or. « À quelle femme appartiennent ces cheveux ?» demanda le galant plein de surprise. « Ma parole, je n'en sais rien, mon fils, » répondit la vieille. « Une jeune fille était ici à l'instant, une jeune fille à la taille élégante, mais qui voilait obstinément son visage, en sorte que je ne l'ai pu voir. Elle m'a vendu ses cheveux, a pris l'argent, et avec un mystère extraordinaire, est partie 1 minute avant ton arrivée. Pourquoi ne l'as-tu pas suivie, bonne pièce ? Parce que, sans aucun doute, elle est plus pauvre qu'une araignée, et qu'elle reviendra gagner les 100 écus que je lui ai offerts. Sorcière maudite, cette chevelure est pour moi, et la femme aussi, si elle revient. » Et Don Luis, après avoir vidé sa bourse, prit délicatement le linge et le trésor qu'il contenait, et, le cachant sous son manteau, revint chez lui. Depuis ce jour-là, il se fit en Don Luis un changement surprenant. Il renonça aux galanteries et aux bonnes fortunes, il oublia le jeu, les parties fines et les duels. Il paraissait un autre homme. On le voyait toujours, il est vrai, dans la rue, à la promenade, aux églises. Ses yeux avides observaient, examinaient sans cesse, comme s'il cherchait quelque objet précieux. Mais dès qu'arrivait le soir, il s'enfermait en sa demeure, et, dans cette vie honnête et réglée, nul ne pouvait trouver rien à redire, pas même les vieilles dévotes au maintien grave qui marmonnent un éternel rosaire. Il ne manqua pas de gens pour dire que le jeune homme, touché de la grâce, allait se faire capucin. Mais personne ne savait, personne ne pouvait soupçonner que Don Luis était amoureux, amoureux fou de la chevelure blonde. Il l'avait posée respectueusement sur un coussin tissé d'argent et passait de longues heures devant elle, tantôt la baisant avec extase et dévotion comme une relique vénérée, tantôt la pressant dans ses mains avec la frénésie d'un amant qui voudrait briser ce qu'il adore. L'imagination de Don Luis, exaltée par la vue de cette cascade d'or, de cette toison en laquelle il semblait que Phébus eût laissé captifs ses rayons, et d'où s'exhalait un pénétrant arôme, un parfum de jeunesse et de pureté, se représentait l'arbre auquel appartenait un tel feuillage. Il croyait voir cette chevelure longue, épaisse, odorante, tombant en boucles et en flots moelleux sur des épaules de neige, sur des formes virginales de rose et de nacre, ou encadrant, comme le nimbe d'un saint portrait, un visage à l'expression angélique, où s'ouvraient, ainsi que deux fleurs bleues, des yeux pleins de lumière. Certaines idées, certains soupçons, venaient encore affoler ses rêveries d'amoureux. Qui sait si la belle et malheureuse jeune fille, après avoir vendu sa chevelure pour sauver son honneur, n'avait pas dû sacrifier son honneur pour sauver sa vie? Torturé par ses pensées, Don Luis repoussait avec dégoût toute nourriture. Il se consumait de rage et se sentait dévoré d'étranges jalousies. Devenu un batteur de pavés, il continuait ses perquisitions, jetant un regard à travers toutes les portes et cherchant à percer les grilles et les jalousies. Vain travail. Aucune tête juvénile couverte de boucles dorées récemment coupées, de la teinte unique, incomparable, ne s'offrit à ses yeux. Il s'épuisait, se consumait, était sur le point de devenir fou, chaque fois que la vieille sorcière Brasilda, stupéfaite et désolée, lui répétait en levant au ciel ses mains décharnées, « C'est elle qui est vraiment sorcière, la jeune fille aux cheveux d'or. Elle se sera enduite de quelques filtres et envolée par la cheminée. Je ne l'ai jamais revue, mon fils, jamais. Et pourtant, quel mal je me suis donné à la chercher !» Éperdu d'amour, comme un homme à qui l'on a versé un breuvage magique, Don Luis en vint au point qu'il craignit de mourir de passion et de fureur jalouse. Approchant de son cœur la blonde chevelure, dont les boucles caressaient ses mains fiévreuses, il fit un vœu. Que je rencontre celle qui te portait, et riche ou pauvre, belle ou laide, noble ou roturière, je l'épouse. J'en prends à témoin le Christ qui m'entend. Après ce vœu, Don Luis sortit plein d'espérance, et à la tombée de la nuit, comme il passait enveloppé dans son manteau, il fut arrêté non loin de sa porte par une pauvresse, couverte et presque cachée d'un très vieux capuchon de laine. « Seigneur cavalier, disait-elle d'une voix humble et suppliante, n'a-t-on pas besoin dans votre maison d'une ouvrière active et diligente ? Je suis sans travail, et ma mère n'a rien à manger. Voici ma maison, répondit distraitement Don Luis, qui pensait à ses chimériques amours. Viens demain, tu trouveras à travailler. En attendant, prends cet acompte. Et il lui mit dans la main un écu. Le lendemain, Laure était assise dans l'encoignure d'une fenêtre grillagée de la maison de Don Luis. Une corbeille pleine de linge devant elle, elle cousait en silence, sans prendre part au bavardage des servantes. Elle souffrait tant de quitter sa demeure, son asile et aussi sa malade. La fatigue incendiait ses joues, pâle d'ordinaire. À travers le grillage passaient les rayons du soleil, et il se jouait parmi les boucles, courtes et soyeuses comme la plume d'un jeune oiseau, de la tête découverte que ne voilait plus le capuchon. Par hasard, Don Luis passa, si absorbé qu'il n'aperçut pas la jeune ouvrière. Mais elle, reconnaissant l'élégant cavalier qu'elle avait vu au sortir de la maison de la sorcière et qu'elle n'avait pas oublié, poussa un cri involontaire. Don Luis se retourna. Il joignit les mains comme si une apparition céleste venait le visiter, car il reconnaissait la teinte unique de la chevelure blonde sur cette tête bouclée que baignait le soleil. Alors, s'adressant aux servantes d'une voix impérieuse et tremblante de joie, il leur dit solennellement « Cessez votre travail, c'est aujourd'hui jour de fête. Saluez votre maîtresse !»